m'a laissé. C'était pas ce que j'espérais. Ça m'a blessé car tu savais ce que j'ai éprouvé. Et là je vais te confier tout ce que j'ai à te dire. Tu veux plus de moi, mais je peux toujours t'écrire. Toi t'es libre, mais moi j'ai du mal à vivre. J'ai même pas tourné la page, je suis resté bloqué dans le livre. Et j'ai construit un nuage, lui avec toi et moi. Et là t'es loin de mes yeux, mais près de mon cœur. Moi je t'ai jamais laissé, je suis resté là à t'attendre. J'ai pris un an de plus à chaque mois de décembre. Et j'ai gardé l'amour que j'ai pour toi, je l'ai porté à contrepoids. Et je te serrais dans mes bras, même si j'étais seul dans mes draps. Y'a que toi dans l'univers que j'aime comme ça. Vois la source de la lumière que je porte en moi. Mais je marche dans le noir et je sais pas où aller. Les sentiments que j'ai pour toi ne peuvent être égalés. Jamais ton souvenir ne s'éloigne de moi. Je le retiens comme les mots que je crains de dire parfois. Tu sais que dans tes yeux, je vois plus que mille fois. Ma vie, mes rêves, mes jours que je prends loin de toi. Jamais ton souvenir ne s'éloigne de moi. Je le retiens comme les mots que je crains de dire parfois. Tu sais que dans tes yeux, je vois plus que mille fois. Ma vie, mes rêves, mes jours que je prends loin de toi. Je supporte plus ma solitude, j'ai besoin de ton être. Et j'ai honte que tu sois l'unique raison de mon mal-être. Ça me gêne, je me sens comme oublié. Je m'en veux, on aurait jamais dû s'ignorer. Mais c'est fou ce que tu peux me faire souffrir. J'ai tellement mal que je préfère mourir. Tu m'as mené en bateau et j'ai peur que tu chavires. Y'a que toi qui a la clé de la cale de ce navire. Je crains que tu ne puisses comprendre mon malheur. Et que ce que je ressens pour toi n'ait pas de valeur. Tu voulais être la reine et moi je voulais que tu m'aimes. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut, la vie est une chienne. Moi j'avais pas de château, je venais briser mes chaînes. Et je regardais le ciel jusqu'à ce que le soleil se lève. Je priais les étoiles pour que tu renonces à ton rêve. Je voulais que tu fasses partie du mien et que tu jettes ta couronne. Jamais ton souvenir ne s'éloigne de moi. Je le retiens comme les mots que je crains de dire parfois. Tu sais que dans tes yeux, je vois plus que mille fois. Ma vie, mes rêves, mes jours que je compte loin de toi. Jamais ton souvenir ne s'éloigne de moi. Je le retiens comme les mots que je crains de dire parfois. Tu sais que dans tes yeux, je vois plus que mille fois. Ma vie, mes rêves, mes jours que je compte loin de toi. Et ouais, je voulais te dire, je peux pas t'oublier. Y'a que dans ton sourire que je vois le soleil briller. Je pourrais vendre mon âme au diable pour être près de toi. Tu es à la fois mon extrême, l'équilibre et l'âme sœur au sens même. Tu sais je sombre à cause de ton absence. Dis-toi que sans toi pour moi la vie n'a pas de sens. Mais c'est dans le noir que j'ai été créé, puis la lumière m'a fait crier. C'est dans le noir qu'on voit la mort et dans le noir qu'on a fait l'amour. Et je me rappelle comme d'hier quand je te faisais la cour. Tu es ma vie, mes rêves, mes jours et plus encore. J'aimerais te prendre dans mes bras et te serrer fort. J'ai rêvé mille fois de nos retrouvailles. Mais chaque jour, la flamme de mon espoir se meurt. Pourtant j'ai bien la flèche de Cupidon au fond du cœur. Moi j'aimerais que tu reviennes car je t'aime encore. Jamais ton souvenir ne s'éloigne de moi. Je le retiens comme les mots que je crains de dire parfois. Tu sais que dans tes yeux, je vois plus que mille fois. Ma vie, mes rêves, mes jours que je prends loin de toi. Jamais ton souvenir ne s'éloigne de moi. Je le retiens comme les mots que je crains de dire parfois. Tu sais que dans tes yeux, je vois plus que mille fois. Ma vie, mes rêves, mes jours que je compte loin de toi. Jamais ton souvenir ne s'éloigne de moi. Je le retiens comme les mots que je crains de dire parfois. Tu sais que dans tes yeux, je vois plus que mille fois. Ma vie, mes rêves, mes jours que je compte loin de toi.